Chapitre 41. Pendant que l'affaire d'Alifar était devant la chambre des mises en accusation, il se jouait au greffe une petite comédie qui montrera l'intérêt que cette affaire provoquait non seulement dans le public, mais encore dans la magistrature. Entre les deux conseillers qui devaient présider les assises de janvier, celui de la première quinzaine, M. de la Martelière, et celui de la seconde quinzaine, M. Durand de Loriferne, il y avait rivalité sur la question de savoir lequel des deux aurait dans son rôle l'affaire d'Alifar. Bien entendu, cette rivalité ne s'étalait pas au grand jour, et la lutte qu'elle faisait naître se tenait renfermée dans les limites étroites de la modération et de la discrétion. Le greffier était seul à la connaître. Mais, par les politesses dont il était l'objet de la part des deux conseillers, ordinairement froids et roides, par leurs paroles à double sens, par mille petits faits insignifiants lorsqu'ils étaient isolés, éloquents lorsqu'ils étaient mis bout à bout, il voyait combien était vif chez chacun d'eux le désir de présider cette affaire qui serait une cause célèbre. Cependant, ce désir n'était point égal chez les deux conseillers. Ardent chez l'un, il était beaucoup plus calme chez l'autre. Là, j'explique cette différence. Car tandis que M. de la Martelière, bientôt à la fin de sa carrière, était sous le coup de la mise à la retraite pour limite d'âge, M. Durand de Loriferne commençait la sienne et l'avenir s'ouvrait devant lui. Comme son rival qui, arrivant un jour en retard dans une soirée, avait dit à la maîtresse de la maison ce mot bien connu au palais, « Vous voyez devant vous, chère madame, un homme qui vient d'obtenir ses trois condamnations à mort. » Il n'avait pas à faire valoir près de la chancellerie de grands services rendus à la société. Jusqu'à ce jour, il n'avait pas eu le bonheur de présider les assises de la Seine, et à Melun, à Versailles, à Chartres, il n'avait jamais eu que des affaires de peu d'importance qui n'avaient pas pu jeter d'éclat sur son nom, ni mettre en lumière son caractère et ses talents. L'affaire d'Alifar pouvait lui donner cette occasion si impatiemment attendue de se révéler, en montrant ce qu'il était et ce qu'il pouvait. Jeune encore, membre de la société philotechnique, auteur d'un gros livre sur le droit de punir depuis la Bible jusqu'au code Napoléon, répandu dans le monde de la magistrature et de la finance, ami de quelques artistes en vue, il avait hâte de conquérir une position qu'il méritait d'ailleurs à plus d'un titre. Il avait hâte surtout de faire sien par le talent ce nom de Loriferne qu'il avait pris plus ou moins légitimement pour cacher celui de Durand. Heureusement, dans ces circonstances, la fortune lui fut favorable et l'affaire d'Alifar fut fixée à la seconde quinzaine de janvier. Ceux qui ont un peu l'habitude de la cour d'assises savent combien il est important pour un président de bien dresser son rôle, c'est-à-dire de répartir jour par jour les différentes affaires qu'il aura à juger. De la fixation de ce jour dépend en effet bien souvent la condamnation ou l'acquittement d'un accusé. Pendant les premiers jours, un président ne connaît pas son jury. C'est donc au premier jour qu'on fixe les affaires sans importance. Pendant les derniers, au contraire, c'est le jury qui connaît son président et qui quelquefois se tient en garde contre lui, surtout s'il y a eu des condamnations sévères. Aussi, n'est-il pas rare de voir pendant ces derniers jours une série d'acquittements qui ne peuvent s'expliquer que par une sorte de réaction et par l'effroi de la responsabilité encourue pour plusieurs condamnations. L'affaire d'Alifar fut fixée au 22 janvier, les premiers jours ayant été réservés à un faux de 125 francs, à des coups et blessures, à des vols. Les coups et blessures devaient permettre de tâter le jury. Pendant que les choses se préparaient au palais de justice pour la prochaine comparution d'Adolphe devant les assises, arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, fixation du rôle, transfert de l'accusé à la conciergerie, interrogatoire du président, conférence de l'avocat avec son client dans la prison, Madame d'Alifar, de son côté, s'employait activement, avec toutes ses forces, toute son énergie, toute son intelligence, pour organiser la défense de son fils et réunir dans ses mains les moyens qui pouvaient le faire acquitter de cette accusation qu'elle regardait comme monstrueuse. C'était ainsi que les uns après les autres, elle visitait les jurés inscrits sur la liste, sans savoir précisément ceux qui jugeraient son fils, et qu'elle mettait en jeu auprès d'eux toutes les influences qu'elle pouvait, soit par elle, soit par ses amis, soit par ses relations, faire utilement manœuvrer. L'attention publique un moment engourdie par les lenteurs de l'instruction, s'était réveillée plus impatiente et plus curieuse que jamais. Dans les journaux, la rubrique « Affaires d'Alifar » avait repris un nouvel intérêt, et à mesure que le 22 janvier approchait, les informations se faisaient plus nombreuses et plus précises. Les reporters s'étaient remis en course, et on les voyait rôder autour du greffe ou même simplement aux environs de la conciergerie, rien que pour apercevoir le président Durand de Loriferne quand il irait interroger l'accusé. On avait engagé de nouveaux reporters spéciaux et de jeunes avocats avaient été faire des offres de service aux journaux. Cependant, si vivement surexcité que fût l'attention publique et si bien disposé que fussent les journaux à la satisfaire, il y avait bien des points de cette affaire, dramatique et lamentable, qui restaient dans l'obscurité. Des ordres rigoureux avaient été donnés pour prévenir les indiscrétions au greffe et dans la prison, et du côté de Gontaut, on ne pouvait rien apprendre, car suivant son habitude, lorsqu'il avait une grande affaire, l'avocat avait été s'enfermer à la campagne, à 10 lieues de Paris, pour se préparer dans le recueillement. À défaut de l'avocat, on se rabattait sur son secrétaire. Mais, malgré tout son désir d'être agréable à ses amis du journalisme, celui-ci ne pouvait rien dire, par cette excellente raison qu'il ne savait rien. On l'accablait de lettres, on le poursuivait, et dans la salle des pas perdus, on entendait 20 fois par heure « Avez-vous vu Desvallières ? Desvallières est-il ici ?» Assurément, il était ici, et il courait d'un groupe à l'autre, souriant, empressé, affairé, mais par malheur, il était obligé de se renfermer dans une discrétion forcée. Au reste, il jouait ce rôle à merveille, et il parvenait à renvoyer chacun sans mécontenter personne. Il verrait, plus tard, « Vous pouvez compter sur nous. » Ce « nous » surtout était admirable, et il allait ainsi, de chambre en chambre, le doigt de la discrétion sur les lèvres. Son attitude, dans ces circonstances, lui fit plus d'honneur que les 12 ou 15 procès qu'il avait déjà plaidés. Si le secrétaire de maître Gontaut, l'aimable Desvallières, était entouré et pressé, le président Durand de Loriferne l'était bien autrement encore. Bien entendu, ce n'était pas pour le même motif, car si vive que fût la curiosité, elle n'allait pas jusqu'à oser provoquer les indiscrétions du président. D'ailleurs, M. Durand de Loriferne était un homme qui posait des questions, mais qui n'en permettait pas. Si on ne lui demandait pas des détails sur cette affaire, on lui demandait au moins des places pour assister à ses débats. Il était accablé de sollicitations et de lettres. Quelle différence avec les assises de Chartres ou de Melun ? Chacun faisait valoir ses droits, et ses lettres étaient signées des noms les plus connus. « Je suis écrasé, » disait-il à ses amis, « jusqu'à des ambassadeurs qui me sollicitent. Les femmes les plus distinguées m'écrivaient elles-mêmes, sans compter les comédiennes à la mode qui remuent ciel et terre pour être placées. Si la salle était assez grande, nous aurions un public comme on n'en voit pas aux premières représentations des Français. Mais je suis débordé, je ne sais où donner de la tête. » Cependant, il répondait à presque toutes ses lettres, et il le faisait avec une hauteur qui donnait un grand prix aux faveurs qu'il octroyait. Il ne pouvait pas rentrer chez lui sans trouver des solliciteurs sur son escalier. Un photographe parvint à forcer sa porte, à pénétrer dans son cabinet pour lui demander la faveur de faire son portrait. Le matin de l'audience, au moment où il sortait, il fut arrêté par un Anglais de belle mine qui lui tendit sa carte comme on braque un pistolet. J. Butler, correspondant du Daily Telegraph, « The largest circulation of any paper in the world. » Peut-on refuser une place à un journaliste qui arrive de Londres et qui dispose de la plus grande publicité dans le monde ? M. Durand de Loriferne se fâcha contre les journaux qui avaient donné à cette affaire une importance déplorable. Mais après ce tribut payé à la sévérité de la justice, il accorda la place. Dès 9 heures du matin, on remarquait aux abords du palais de justice une animation extraordinaire. Devant les costumiers, des gens à moustache endossaient des robes d'avocat et se coiffaient de la toque. Leur intention n'était pas de se faire prendre pour des avocats, ce qui n'eût pas réussi dans le banc réservé à ces messieurs, mais seulement de tromper les gardes municipaux et de pénétrer dans l'enceinte du public debout. Des voitures s'arrêtaient devant le grand perron, et des femmes en toilette de jour montaient les marches en s'appuyant sur le bras de jeunes gens élégants, des complices peut-être. avant 10 heures, la salle des assises était complètement remplie. Au premier rang, on se montrait 3 comédiennes à la mode, et l'on s'accordait à trouver que la lumière du jour ne leur était pas aussi favorable que celle de la rampe. Les femmes du monde triomphaient, et sous leurs lorgnettes braquées, elles riaient et chuchotaient. « Et quoi ? C'est pour ces femmes que vous vous ruinez. Regardez-nous donc, et comparez !» Derrière les sièges du président et de ses deux assesseurs, les places se garnissaient vivement, et les uns après les autres, arrivaient les membres de la cour et du tribunal. À leur banc, les journalistes étaient déjà au travail, et ils commençaient leur compte-rendu par un tableau de l'assistance. On énumérait en les nommant toutes les célébrités à un titre quelconque qui se trouvait dans la salle, et plus d'une femme suivait avec inquiétude ses mains qui couraient sur le papier. Serait-elle nommée ? Et le lendemain, tout Paris saurait-il qu'elle avait assisté à l'affaire d'Alifar ? Au milieu du prétoire, un jeune avocat allait et venait, c'était Desvalières. Il souriait à celle-ci, il saluait celle-là de la main, il sortait, il rentrait, on ne voyait que lui. Cependant, s'il souriait des yeux et des lèvres, il était au fond du cœur plein d'anxiété. Gontaud n'était pas revenu de la campagne. S'il allait ne pas arriver, la cour voudrait peut-être passer outre. Alors pourquoi ne serait-il pas chargé de la défense de M. d'Alifar ? Il avait déjà plusieurs fois remplacé son patron. Quelle occasion ! Et comme il débiterait son morceau sur les passions ! L'huissier apporta un paquet cacheté qu'il alla placer sur la table des pièces à conviction. Puis, à côté de ce paquet mystérieux, il déposa un revolver. Comme 10h30 sonnait, une petite porte s'ouvrit dans la muraille et un municipal entra. Puis, derrière lui, suivi d'autres municipaux, parut Adolphe d'Alifar. L'accusé. Il se fit un grand mouvement. Tout le monde se leva et les lorgnettes se braquèrent sur lui. Il était en grand deuil, ganté de grande laine. Il était affreusement pâle et ses lèvres tremblantes étaient décolorées.